lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Et c'est le traditionnel rendez-vous avec Hent à Brezonek, émission 517, comme on dit ça en breton, Henri? Pemkan Seitek. On commence évidemment par Gerio Arvué, le mot du jour. On va parler de quoi aujourd'hui? Alors, c'est un mot qui est très employé, qui est un adjectif, qui est skuis, miso-skuis. C'est très employé. Hein. Alors, c'est un mot celtique qu'on retrouve également en gallois, en cornique. Et en gaélique également, hein, gaélique d'Écosse et d'Irlande, sous des formes très voisines. Hein. Donc, un mot, bien sûr, de base de la langue, hein, qui veut dire fatigué, usé, las. Voilà. On entend souvent ça. Oh, squeeze on. On disait souvent autrefois, squeeze on her man bit. Hein. Je suis fatigué à ne rien faire. Hein. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'expressions autour de ça, bien sûr. Cuise marre, par exemple. Aujourd'hui, on dit burn-out. En français moderne, quoi. Burn-out, hein. Cuise, une expression assez curieuse, cuise vélo bleille. Pourtant, le loup est plutôt infatigable. Hein. Souvent, quand même, quand on dit vélo bleille, c'est quelque chose d'excessif, quoi. Hardy vélo bleille, cuise vélo bleille, hein. Fatigué comme un loup, hein. Voilà. Bien sûr, il y a différents niveaux de fatigue. Hein. Par exemple, on dira « très squeeze au harnant ». Il a l'air fatigué. Hein. « Manier squeeze hein, », manière de fatiguer. Ça, c'est très difficile à traduire. Hein. « Manier squeeze », on a. Hein, je suis un peu comme fatigué. Quoi. Voilà. « Squeeze on », c'est alors c'est fatigué, mais c'est aussi lassé. Quoi, hein. Par exemple, quand on dit « squeeze on gone and trouse », j'en ai marre de toutes ces histoires. Quoi, hein. C'est lassé, quoi, hein. La lassitude. Hein. L'étape précédente, c'est « air on squeeze ». Je suis arrivé, on trouve ça en français, souvent les gens en bretonisme disent ça, hein. « Je suis arrivé fatigué ». Quoi. Celui-là est arrivé fatigué avec celle-là. des expressions squeeze rock commence fatigué avant de commencer hein, squeeze braigne hein, squeeze dalle aussi hein. Alors à partir de là il y a plein de mots qui sont construits sur squeeze hein, squeeze up par exemple fatigable hein, squeeze à dur la lassitude et puis le verbe bien sûr hein, squeezant fatigué hein, dont le participe passé est squeezed hein. Alors là il y a donc en fait il y a parce qu'en français, fatigué, c'est à la fois l'adjectif et le participe passé du verbe fatigué. Tandis qu'en breton, il y a squeeze et squeezet. Squeezet qui suppose qu'il y a un agent qui a de fatigue, quoi. Squeezer, la fatigue, hein, aussi. Squeezus, fatigant, hein. Ça, c'est très expressif. Squeezus, hein. On dira squeezus. Hola, bon squeezus. Un travail fatigant, quoi. Voilà. Là, bon, c'est squeezus. Ah oui, par exemple aussi, squeezus, evidendaulagad, hein, laboratoire nursiators, squeezus, evidendaulagad, hein, squeezus widerheign, hein, un travail qui est mauvais pour le dos, quoi, hein. Voilà. Alors, le contraire, alors, bien sûr, il y a plein d'autres façons d'être fatigué, hein. Il y a une grande variété là-dedans, hein, fatigué moralement, physiquement, toutes sortes de fatigues, hein. Alors, le contraire, c'est disquise, hein, disquise, disquise le repos. Alors, il y a l'abbaye de Bon Repos, par exemple. Hein. En breton, on disait Bonnard et Cuyem dans le temps. J'ai entendu dire ça. À présent, on avait l'art de Bonnard et Cuyem. Mais bon, c'est disquise mode. Il y a une nouvelle commune qui va s'appeler Bon Repos. Hein. Oui. Bon Repos sur Blavet, hein, donc... La Nice 4, Saint-Gelvin-Perrette, hein. Voilà. Il y a aussi Tiendiscuiz à la Nice 4, la maison de retraite à la Nice 4, s'appelle Tiendiscuiz. Voilà. Tiendiscuiz, alors, discuisant, c'est reposer ou se reposer, hein. C'est dans le participe passé est discuised, hein. Le repos compensateur, on pourrait dire, c'est discuisaden, hein. Voilà. Après, il vaut mieux aller plus loin parce que ça fait des mots un petit peu trop longs, quoi. Voilà. Et donc, j'ai déjà dit un tilleur disquise, un tilleur égose, hein, un disquise. Et on trouve ça beaucoup en poésie, hein, un disquise qui est à la fois le repos, mais aussi la récupération de, des forces, quoi, un disquise. Eh ben, homme de disquise, vraiment. Deuxième partie de Henta Brezonek, Brezonek Tom à Tom. Oui, alors là, depuis quelques séances, on est un peu sur, on parle des mots gaulois qui ressemblent au breton, ce qui n'est pas étonnant puisque l'origine est la même, hein, c'est une origine britannique. Et donc, il y a des mots gaulois qui sont très différents du breton, hein, mais il y en a pas mal qui sont assez, assez proches. Et en fait, plus les études sur le gaulois avancent, ça avance pas mal en ce moment, puisqu'on a retrouvé des traces, et puis les linguistes arrivent à tirer des conclusions à partir d'inscriptions en particulier, et, ou de noms de lieux, beaucoup de noms de lieux hein, sont maintenant éclaircis. Et donc, il y a beaucoup de mots qui sont voisins en breton et en gaulois. Par exemple, glano qui veut dire donc pur hein, en gaulois, c'est glande, hein, glande en breton, hein, c'est pratiquement la même chose. Souvent, les mots bretons sont un peu plus courts que les mots gaulois. Hein, y a une évolution parce que les finales des fois se perdent hein, et donc on a des mots un peu plus courts. Goba, c'est le forgeron en gaulois. Alors, on trouve ça dans pas mal d'inscriptions. Et en gallois, on trouve gof et en breton, go aussi. Un mot qui n'est plus utilisé pratiquement. Le gof, hein, par contre, en nom de famille, c'est très courant. Hein, il a été remplacé par maréchal. Hein. Voilà. Gortia, qui est la haie, le jardin. Un jardin enclos. Hein, donc, qui correspond au breton garce. Hein, voilà. Et qui... veut dire une haie ou un talus, hein, un nom de famille aussi, Garzmer par exemple, qui était un nom de lieu au départ. Et le français jardin a une autre origine, hein, ça vient d'une racine germanique hein, qui est Garten, qu'on retrouve dans l'anglais garden. Hein, voilà. Yakos, qui veut dire bien portant, c'est l'équivalent du breton yar, hein, voilà. Yalo. Alors Yalo, c'est très très répandu dans les noms de lieux. C'est une clairière, une terre défrichée. C'est le deuxième élément de nombreux noms de lieux qui se terminent par œil. Argenteuil, Ébreuil, il y en a plein comme ça. Hein. donc qui viennent de Yalo, hein, donc et qui est souvent associé à la végétation, par exemple, et Bureau Yalo, la clairière de l'If, par exemple, hein, qui a donné Ébreuil. Hein, et il y a énormément Chasse-Neuil aussi. Chasse-Neuil, ça vient de Cassano, qui est le chêne. Hein, donc Cassano Yalo, c'est la clairière, hein, du chêne, et ça a donné Chasse-Neuil. Hein. Du Poitou, voilà, où on fabrique des comment dirais-je, des hautbois du Poitou, un très bel instrument de musique. Alors, Eburo Yalo, hein, je l'ai dit, Ébreuil, voilà, donc Verneau Yalo, hein, qui a donné Verneuil, hein, c'est la clairière de l'Aulne, hein, c'est Gouerne en breton, hein, voilà. Maros Yalo, la grande clairière qui a donné Mareuil, hein. Novo Yalo, la nouvelle clairière, hein, Neuveuil. Voilà, il y en a plein comme ça, hein, dans les noms de lieux qui se terminent par œil, et ça vient du gaulois Yalo, donc la clairière. Voilà. Alors, Yorko, qui est la chèvre sauvage, hein, ou le chevreuil, hein, en breton, c'est Yur. Hein. Yur qui désigne un chevreuil ou une jeune fille un petit peu leste. Oui, oui. Dans un sens figuré. Dans un sens figuré, oui. Yur, oui. Voilà. Yovinko, alors là, on devine tout de suite, hein, c'est jeune, hein. En breton, Yowang, hein, voilà. Kuno, alors Kuno, là, c'est un nom celtique, mais qu'on trouve dans... En fait, une racine qu'on retrouve dans beaucoup de langues indo-européennes, c'est le chien. Hein. Donc, cette forme-là, on va la trouver un petit peu dans pas mal de langues. Hein. En grec aussi, c'est des formes voisines. Hein. Donc, une au chien, le chien au singulier. Hein. Alors, en breton, c'est qui, bien sûr. Hein. Il y avait un pluriel, pas régulier, mais... basé quand même sur le singulier, qui était Kuon, qui a été remplacé par Chasse. Chasse, qui est en fait la chasse. Hein. Un groupe de chiens, voilà. Plusieurs chiens, ça fait une chasse. Il y a le mot Tanguy aussi, hein, chien de feu, hein, qui est un nom de famille et un prénom également. Voilà. Kuno, le chien. Alors, Dago, pour terminer, on va terminer sur Dago, qui veut dire bon. Et en gallois, on retrouve ça. Hein, par exemple, on va dire Yerda, ce qui correspond à notre Yermot, quoi. Et en breton aussi, on trouve Yada aussi, pour insister sur le Ya. Mais on le trouve en français aussi, hein, Ouida. Oui. Donc, voilà. Et puis, encore un mot facile, dès que c'est 10, hein, alors, comme dans beaucoup de langues, hein, là c'est des racines indo-européennes qui sont même pré-celtiques, hein, qu'on retrouve très régulièrement. La numération est très voisine dans toutes les langues indo-européennes. Eh bien, on va arrêter sur Dick. mairie. Petra zone vervo. Petra zone vervo, ben calze draw et vel juste boervej di ouzan. Krogom de dianton vel kis accustum grand la bourdou a rager vu et war armes. Tremene de bremon un an et ruom ban 10-40 Hag ber a neus un de, a hir a neus un 11. Hag me stroch om a bra un amzor. Vid mis Gwengolo, fin mis Gwengolo, ou a matrezen, chom o bra bet a goyon ol zent vel war la ane. Ze ve fe be mat. Hag vid tout un dud, hein, vid zer ir maiz, vid zer ir betraves, vid chassourien. Ze zo mat kad amzor vra ou a fin mis Gwengolo hag a ba mis heire. Hein. Neus ket pell zo c'hoaz ba miz Gwengolo, oa ba razon salonz rand vro alor labour douar, vel velar de spas de zi, hag ar spas o bekrou de tregont blasso, e vi diski d'un dud, pe sa labour douar zo ba vro, ba preiz am a ba Normandir, enfin ba kuchol brohal, hag bepla vekal ze dud, a blam zo bet kalz politikour yon d'or an tamm tro bas pas, hag kom jo vloor oa gant evi de labour er yon douar. Tout oa tom de ze labour douar hag prest d'or kalz dro, evi de hefe gwell ar an tro oa dach an labour douar. Ne ke red bou zo et gansé, pu dur, mon votad goton, votad vid la ka don din ba oa kad ar veur brovrans, hag tout de politikour yon zo kambali, on tombe pebler bavro. Bon, c'est tu zo belard calze dro, mais oa rang da gen vo der et tout de promesse aux uns, vi de laborer yon doua. Tremene de i ve voir vu la neuske gual belzo, après si je vo voir djer yon, ba mis heire. Gwege le oa ouspenze, voir la rion goz de no a vis heire, a voir pligidi de ney a vis du. La ravige ba voir plij di o neubel ba prisohi. Pu dir benan oa eo gwal bon gwerzan neubel hag bon oa ize le pris evel just. Hag d'un tri viz her e vo voir just mat vid le neubel yen ba plantel vel bepla quoi. Hag ar vo kalz diez a kroaz evel just a kalz dut. Chomo montam vraiment oa ardachen la bourdouar hag un andro. Ur stal Bayer, zo hana un vad ba bron Allemagne, stad ara l'ouzeier chimik vid la bourdouar, zo hont de brenn ur stal Monsanto. Zo hana un vad gant un no gem, ur maïs Monsanto, hag gant ur roundup dra istol. Hag bon zera yo pe stal braz, hag tam a tam, ya amzor de zon de la bourdouar tre Krabant ou un eub stal yo braz dises o ledanet war ar bedol. Bon, ma trezen ne ke londra gwalvad vid de la bourdouar. Dans mon temps, bremañ war hench ou evro, a peve komz deus hench ou evro, vejo ou ave komz deus un nentou arn. Spen c'hwer ugen vlaso, oa bet gred ur linien, hentou arn tre gwen gom a pempoul. De houlse oa bet gret kalz linen no houarn breizizel hentouarn a deus an rez ne chom ketin me gwen gamm karez a gwen gamm pempoul. Bon, lar oa bet matrez den vije bezer ad linen tre gwen gamm a pempoul me benefin vo miret hag vo gret de labour vid nevez ad an traou. Bon, setu bon vo gret divise zo bet d'ober labour war linien se, setu bromen vo zeret pa de eizmiz vidor labour yaouz. Mer el oa kader an evil de niz pignouk, ze gousta tier ru evel just, a setu vo ro de ugen dre gant gant ur rand vro breiz, stad bro hal ar ei ugen dre gant, departement o d'ou an arvor onek dre gant, hag ar peurest pe chomo de bè o vo peet gant eus trolad ou parouj ou tro ar dro. A setu vo zera de linien hentou an tre gwen gant ma pempoul pa de izmiz, a pa de namzor ze vo evel just kiri boutin evit kaz a digaz un dut reda pe en train euro. Quoi. Bon, sais-tu vos prestes, linen, puis vos rues de TGV, neve baguengam. De ce politiquer, ne la rien que calzedra, hervégement, qu'à bon, cleve de calzedra ouz quand le politicourien, puis vota des gouotons, à bêta vraiment ne niche que goalu, le divise ou jiriwas. comme je vais calze de l'identité, mais de son identité, le stris, son identité, le zeret, à que zénora que calze spi, et vide un homme, de zone, et vide un dut. À que, vraiment, bêta vraiment bop de spismus gouelet, ne ce que noir un règne, mais de jacobine, d'un jacobine rue, jacobine du, jacobine gwen, bepsord liou, mais jacobine tout. C'est une acque gualule, un diviso, hein. Dipitus et on tombe, gualet, péganis, elle, j'ai chaud, mon trop. Bon, dans mon temps, vraiment, ouais, dash, et leurs événements. Ne ce que pelzo, d'un trier vis gwengolo, ou abid, ben, nuel, gua, d'or philosophe, velvelar, de galac. Non, philosophe, zo deux, deux agressions, zo, on den, agagar, vu en os. Ager philosophe ze oa deux de Huelgoa de Vidober or Brezegen, di war ben Victor Segalen, ager deus meus kleve doa mille dud o Chila ou enan. Ager... Mille trihan. Mille trihan, ya, ya, ya. Kui oa bet? Non. Nor ke bet. Met mi oan kade, a meus ke tiens pas boudet, philosophe ze zo o nan deus Pelobras, Babro France, ag morvan le besque ni oa disquezet pesamo de oa rins défenseur patenté des droits de l'homme rins blichte diven guirio mabdin on tam me pebler oa reur bit mais pas babro France quoi. Puis genre, bah, c'est tu hemen eus komze de ze maori en ma peson eus komze de zevena dur maori de oa red di wal de sei, mais pezo komz, pezo goule gant, tempete jonge et des ur brezondek, na an oak ma meus komz ou, pedur oaien d'ur brezondek, ad ur yezou gwasket. Hag, ya, lar an dar morvan le besk, ni oa begret, on displega de noarze, ban i lever, comment peut-on être breton. Dalor a boan rad len morvan le besk, kat tout pez neus lar et zo guir oaz jioaz, ne kedet kalz un trao a rog. Bon, vraiment, y a, peon, comme je sais, justement, ma treizaine peut se clèver de, pisneuse l'art de Nolwenn Corbel, puis wabé de, à wamatré, hein. Y a, y a, clèver me ziba au habad, y a, ben, y a, justement, ag, y a wabratré, hein, pisneuse l'art, hein, war zé, hein, plus dur bon il y a la lead wabed un trop hug un herminique collier de l'hermine zobero et Nolwenn Corbel avec Jan van Jacques à Dowell zobet un zbeda beplave ro de trop hug en herminique van Jan van Jacques et pau de zorin war ergelo en ya a gezo labour ad vid TGMB. TGMB, il y a stall, ra calze draw, hein, gelano et vid vugal et ag gelo en ya. Pe on o comte de stud neus labour et calze vis evena dur ur vro, ne vaisseau et et nan ang Serge Kerguiduf. Serge Kerguiduf, oa gebe gand ba mont tourles, blatri ad augen, ag bede o hand ar brude de au nom de Zorzobet, bah, blavé, j'ai dit qu'à Trugen, pis, ouah, bon, had grand idig, zévena, dur, braise, on tombe, hag, ouah, l'air, boué, ouah, tientor, ouah, zu, zon eres, royer, lutte, hag, bon, j'ai que clé, calstin, mais de, bonne bédé, au honneur brude de Huls, hein, à neus gret, calst, drau, évidor, vro. Bon, c'est une tombe de spéçonner, et que Ben Végel vous la revoise. Keno Eri. Ja, Kenavo Morgan.